toute la sainte journée, je veux te parler. J'ai tellement de choses à me faire pardonner. J'ai remis les compteurs à zéro. C'est plus la peine de se déchirer. Je veux changer, je veux changer. Je veux changer et te le prouver. J'ai été naufragé du trottoir avec un espoir. J'ai eu des visions à perdre la raison. J'ai été en enfer et j'ai vu Lucifer. J'ai vu Dieu le Père sous sa croix de verre. Je veux changer, je veux changer. Je veux changer et te le prouver. J'ai bien changé.